BFM, le 12-15, Best-of, Edwige Chevrillon. Le dessinateur Plantu était mon invité lundi dans le 12-15. Il publie son livre qui devient presque un rendez-vous annuel. L'année dernière, c'était Il pourrait dire merci. Il revient avec Quoi ça rime, toujours aux éditions du Seuil. Alors avant qu'il me réponde, avec son éternel franc-parler sur la politique française, j'ai d'abord demandé à Plantu si ce livre regroupait les dessins les plus forts de la Une du Monde et s'il y en avait qui n'avaient pas encore été publiés. Un invité de marque dans ce 12-15, donc le dessinateur Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour. Alors, vous publiez presque votre livraison annuelle. Hein. Après, Il pourrait dire merci, ça c'était il y a tout juste un an. Maintenant, c'est À quoi ça rime. En fait, c'est un livre qui reprend plusieurs de vos dessins, qui datent en fait de cette année, mais aussi, vous reprenez aussi, c'est les dessins les plus forts en fait, de la Une du Monde. Et de l'Express, d'octobre à octobre. C'est-à-dire qu'il y a encore les dessins du mois d'octobre et ça commence avec octobre aussi 2004 parce que c'est vrai que c'est une année dans laquelle je ne mets pas heureusement tous mes dessins hein, parce que j'en fais au moins 500 ou 600 et donc là il y en a 250 à peu près, ceux que je considère avec Louis Gardel qui est mon éditeur au Seuil et puis Jean-Luc Simonin le maquettiste, on essaye d'éliminer et de faire au mieux pour que le bouquin puisse avoir une certaine tenue vis-à-vis des lecteurs. Ah oui, il faut dire qu'il y a vraiment des dessins, certains qui sont très drôles. Donc, d'autres qui sont très grinçants. Alors, juste une question. Vous avez l'habitude de ne pas avoir votre langue dans votre poche, Plantu. Quel jugement vous portez sur la nouvelle formule du Monde? Est-ce qu'elle vous plaît? J'ai dit depuis au moins 3 mois. Je me souviens quand Eric Fotorino est venu dans mon bureau. Qui était en charge justement du projet. Oui, qui est un des rédacteurs en chef et qui s'occupe de la nouvelle formule. Je trouvais des choses vraiment formidables dans cette nouvelle formule. Quant à l'utilisation du dessin, évidemment, moi je suis un petit peu mal placé pour dire moi je veux être là. Vous étiez toujours systématiquement vous étiez à la Une du Monde dans la première partie. Alors maintenant, vous êtes quand même plus souvent relégué entre guillemets dans la deuxième partie, une petite frustration ou au contraire ça vous soulage? C'est-à-dire que mon travail il n'est plein que de frustration. C'est-à-dire que contrairement à un artiste qui a envie de s'exprimer sur ça peut être la vie politique, ça peut être la musique, ça peut être la vie tout simplement, il décide de le faire sur un mur, de se faire en sculpture. Bon, moi c'est une suite de frustrations dont une grosse frustration à laquelle je me suis très très bien habitué, qui date de 10 ans, qui était que je devais faire un dessin sur un sujet qui n'était pas de mon choix. Et bien malgré cette énorme contrainte, en fait je m'en suis, j'espère, enfin c'est plutôt au lecteur de le dire. Allez, on va dire plutôt bien tiré, le moins. Oui, mais c'est parce que même sur des sujets où, par exemple, on a un directeur qui est quand même corse, qui est Jean-Marie Colombani, et qui, au moment, par exemple, de l'affaire avec l'accord. Colonna, bien sûr, mais aussi de l'accord avec les nationalistes corses au moment du projet Matignon avec Jospin, disait quelque chose, c'est-à-dire il était en plein accord avec cet projet d'entente avec les nationalistes corses minoritaires, et moi je faisais un dessin qui disait exactement le contraire. Quand je me suis rendu compte que je pouvais faire, même à partir d'un sujet imposé, donc une grosse contrainte, donc une grosse frustration, je pouvais faire l'opposé même de ce que le sujet était amené à traiter en éditorial, moi j'ai une grande, grande liberté. Alors maintenant, je ne fais pas forcément le chapeau, le dessin qui va avec le chapeau, mais quelque part en bas, par exemple, le chapeau d'aujourd'hui, c'est sur le PS, la grande victoire de façade du Parti Socialiste. Bon, moi, on me demande de faire un dessin sur l'emploi et la précarité. L'emploi en France, où on s'aperçoit que l'emploi, il est encore plus terrible, qu'on s'en occupe moins bien que dans les autres pays d'Europe. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Bon, je fais un Fabius qui est réembauché par Hollande, et Hollande qui est tout content de dire ça à des ouvriers qui sont aux acédiques, et puis ils voient bien, ils ont bien compris, dans mon dessin, que s'il y a une victoire de façade du côté du PS, c'est une victoire qui ne concerne pas les gens qui sont dans le besoin en France. Bon, vous voyez, j'ai une contrainte. Je me suis obligé de faire un dessin sur un sujet qui me tombe dessus. Je me débrouille pour faire le sujet du jour. Et si vous n'êtes pas d'accord? Vous dites par exemple, moi je ne me sens pas inspiré aujourd'hui, je préférais plutôt traiter le Parti Socialiste plutôt que la fracture sociale. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la phrase « je ne suis pas inspiré aujourd'hui », c'est interdit. Ah bah. C'est pas possible de dire. Vous êtes inspiré tous les jours. Je suis obligé de remplir le rectangle qu'on va me donner. Par contre, là où je suis miné des fois par une boule qui m'angoisse dans le ventre, c'est que je me dis, et si le lecteur a aimé mon dessin de tel jour, il y a 2 jours ou 3 jours la semaine dernière, faire, est-ce que je vais être à la hauteur de cette attente? Ça, c'est ça qui me mine le plus. Trouver des idées, bon, ben, moi, je suis quand même payé pour les trouver. Hein, Plantu, quelle est cette année, donc, ce livre, vous sortez des... publiez des dessins, du reste, qui ont été publiés dans Le Monde ou dans L'Express, et puis certains, au contraire, n'ont pas été publiés. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des inédits. Hein. Ah oui, il y en a une bonne quarantaine, et ça, ça fait partie du boulot. C'est-à-dire que tous les jours, au rédacteur en chef, je lui propose, là, ce matin, j'en ai proposé 5. Bon, alors, évidemment, il y a des chutes dans tout ça, et puis il y en a qui tiennent vraiment pas la route, parce qu'ils étaient vraiment à côté de la plaque, et puis il y en a quand même auxquels j'y tiens. Et puis, quand ils, décidément, ils ne sont pas passés dans l'année, bah, ils se retrouvent dans le bouquin. Oui, mais est-ce que vous arrivez à faire du forcing? Est-ce que, par exemple, lorsque vous n'êtes pas d'accord pour la Une du Monde, est-ce que vous arrivez à dire, à appeler Jean-Marie Colombani, qui est le big boss, en lui disant, ah, je suis pas d'accord? Vraiment. Oui. Alors là, vraiment. Le même rapport de force qu'un journaliste. Vraiment. Et quand il voit que je sors mes tripes et que je dis, écoute, là, vraiment, il faut le faire passer, très franchement, c'est rare que le dessin ne passe pas. Ouais. Plantu, il y a justement un dessin que moi je trouve assez formidable parce qu'il résume tout, qui est dans votre livre, alors qu'il n'a pas été publié à la Une du Monde. Vous allez peut-être nous dire dans un instant pourquoi. C'est à propos de l'intervention américaine en Irak. Alors on voit un soldat américain, il a écrit 20e siècle, et puis il y a la faucille communiste avec le petit marteau. Et puis en dessous, 21e siècle, alors vous jouez la similitude entre la faucille et le croissant de lune. Là, on le voit vert, évidemment. Et ça, c'est le 21e siècle. Pourtant, on voit bien effectivement ce que ça veut dire. Alors pourquoi il n'est pas passé, à votre avis? Oh, j'en sais rien. Ce sont les aléas des dessins acceptés ou refusés. Là, c'est le dessin typique de... J'aime bien faire des jeux de mots, mais là, c'est plutôt des jeux de signes. Et c'est vrai que la forme de lune, de la faucille rouge du drapeau communiste et puis la lune verte, c'était tentant. Et c'est les deux combats, et du 20e siècle et du 21e siècle. Et puis, bon, bah, il fait partie. C'est l'intérêt du bouquin. Hein. Il y a plein de dessins comme ça qui sont dedans et qui n'ont pas été publiés. Et à la fois, j'aime bien jongler avec le lecteur pour qu'il voit des dessins qui ont été faits un peu dans la précipitation. C'est le cas de ce brouillon. Donc, il n'est pas très, très bien fignolé, si vous voulez. Mais en tout cas, il y a l'impact. Et je joue entre le dessin bien fini, bien peaufiné, et puis le dessin spontané qui fait partie des rebuts, entre guillemets, de l'année. Et en fait, qui tiennent leur route et qui font que, bout à bout, si un seul des dessins est vraiment très forcé, j'ai exagéré, en fait, ça fait un fil rouge qui fait que les choses sont beaucoup plus nuancées. Vous avez un chapitre sur le retour de Raffarin. Qu'est-ce qui est les derniers jours, pardon, de Raffarin. Qu'est-ce qui est le plus facile à dessiner, c'est Jean-Pierre Raffarin ou Dominique de Villepin? Ouais, ils sont sympas à dessiner tous les deux. Raffarin, il avait un côté coup de taureau, un peu butor, un peu tonneau aussi. Et puis il a des gros sourcils, il avait une petite mèche un peu rebelle. Il y avait bien que ça qui était rebelle chez lui. Et puis au niveau des cheveux justement, alors là dans ce cas-là c'est Villepin, c'est un vrai bonheur, non? Il a plus d'aisance et c'est vrai que je joue avec la vague un joli modelé de ses cheveux qui sont d'ailleurs magnifiques. Et puis évidemment ça me change d'un Sarkozy où là faut le tire à la règle. Alors lui je prends ma règle, hein. Comme Bernard Buffet, hein. Vraiment je prends une règle, je tire un trait et puis en plus je rajoute deux souliers, ça y est, le dessin il est fait, il me prend. Il faut dire que vous l'avez tellement caricaturé, Plantu. Is No Good, vous en avez déjà parlé avec lui ou pas? Écoutez, c'est drôle. Il y a quelques semaines, j'étais sur LCI, j'avais dit qu'il m'énervait. Bon, pas de peau, il regarde la télé ce jour-là et il m'écrit, alors il paraît que je vous énerve. Et alors du coup, j'avais jamais écrit comme ça. J'ai écrit ma réponse. J'ai dit, ben oui, Monsieur le Ministre, oui, vous m'énervez. Mais je ne pensais pas écrire un jour, oui, Monsieur le Ministre, vous m'énervez. Mais oh, bon, je suis dessinateur, il faut que je sois sincère. Et c'est vrai qu'il m'énerve parce que je le trouve pas en phase. Il pense qu'il est en phase avec la population. Pourtant, les Français trouvent qu'il est en phase avec eux. Hein. Mais ça, c'est les sondages. Hein, parce que et ça, je ne crois pas trop aux sondages. Et je pense réellement qu'à force de faire la petite phrase, vous savez, celui qui remporte la mise aujourd'hui, c'est des genres Noël Mamère ou Sarkozy. C'est pas le gars qui va faire une phrase feutrée, nuancée. Celui qui va passer aux 20h et qu'on va reprendre, c'est celui qui fait de l'esbrouf devant les caméras et les projecteurs. Et c'est ça qui marche. Et au bout d'un certain temps, on demande aux gens, alors qu'est-ce que vous avez retenu? Ben évidemment, ils retiennent que l'esbrouf. Ouais. Ils ne retiennent pas la nuance. Et ben voilà, au moins Nicolas Sarkozy est servi. Quel est le personnage qui vous déplaît le plus, que vous aimez le moins dessiner, Plantu? Alors, c'est pas gentil et je m'en veux beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec les femmes. Et par exemple, Ségolène Royal, qui est plutôt assez jolie, bon, heureusement, elle s'est calmée le week-end dernier. Non, justement, je me bats pour que les dessins de presse soient autre chose que misogyne, justement. Et la femme mérite mieux que le dessin de presse qu'on lui sert aujourd'hui, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été emporté par l'élan, j'essaye de faire attention justement avec les femmes, parce que quand on a... Les hommes, bon, ils ont des traits plus grossiers, ils sont plus grossiers que les femmes, ils ont des traits plus grossiers. Mmh. Quand ils ont un gros tarin, ils ont un gros tarin, je veux dire, j'y peux rien. Quand une femme, elle a des traits assez fins, eh bien, il faut que je fasse... J'utilise des feutres beaucoup plus nuancés. Mmh. On vous voit du reste en studio, vous avez un gros feutre, et vous n'avez pas de feuille de papier, on s'en feutrait, vous n'arrêtez pas de bouger avec vos crayons. Celui-là, il est fin. Ouais, alors, vous appelez ça un gros feutre, excusez-moi, j'en ai des gros feutres qui tâchent. Un bon pasqua ou une millisserbe, ça, je vous le fais avec un gros feutre qui tâche. Mmh. Et j'aime bien quand en plus ça fait flouf comme ça sur le papier et qu'il y a des taches, ça fait des bavures. Eh bien, BFM va vous offrir un feutre, un corps un tout petit peu plus fin, comme ça vous pourrez dessiner plus de femmes à la vie. Voilà. Les femmes, il faut non seulement, et en plus, il faut éviter de faire ce qu'on fait justement quand il y a une journaliste qui interroge sur France 2 les journalistes, on les montre en entier. Et là, comme des bêtes, on est là en train de regarder leurs jambes. Et je trouve que les jambes des femmes, elles sont magnifiques en général, mais quand on les écoute et qu'on regarde leurs jambes, on écoute plus ce qu'elles disent. Et ça, il faut faire attention. Et dans le dessin de presse, il faut le faire encore plus attention. Et l'avantage de la radio, c'est qu'au moins, on a les jambes qui sont sous la table du studio. Merci Plantu. Je rappelle le titre de votre livre, Plantu, à quoi ça rime, un livre publié au Seuil.